Je ne me baigne que dans la mousse, sinon je touche la flousse. Et il me boude. Corps opaque qui lutte dans le bain de boue, le bain de boue, le bain de boue. Je perds ta, je perds ta, je perds ta.